Comment dit-on « nous ne pouvons pas venir » Commençons par « nous pouvons ». Possiamo. Possiamo, oui. Alors, « nous ne pouvons pas venir » se dira Non possiamo venire. Non possiamo venire, c'est ça. Et comment diriez-vous « je pourrais le faire » au futur Potrò farlo. N'oubliez pas qu'au futur, il faut toujours insister sur la terminaison du verbe. Potrò farlo. Potrò farlo, c'est ça, oui. Et comment dit-on « je ne pourrais pas le faire comme ça » toujours au futur Non potrò farlo così. Non potrò farlo così. Tout à fait. Dites-moi maintenant, il ne pourra pas venir avec nous. Non potrà venire con noi. C'est ça, oui. Non potrà venire con noi. Maintenant, en vous adressant à un groupe de personnes, demandez « Pourquoi ne venez-vous pas avec nous ?» Perché non venite con noi? Très bien. Perché non venite con noi? Pour obtenir la forme du verbe venire, qui correspond à voi, il suffit de remplacer le R de l'infinitif par un T. Venire, venite. Et si je vous demande de dire « nous ne venons pas avec vous » en vous adressant toujours à un groupe de personnes, « nous venons » c'est « Veniamo ». Oui, « veniamo ». C'est ça, « veniamo ». Donc, « nous ne venons pas avec vous » se dira « Non veniamo con voi ». Tout à fait. « Non veniamo con voi ». Là, nous venons de voir que les formes de « venire » correspondant à « noi » et « voi » suivent la règle générale. Pourtant, « venire » est un verbe irrégulier et certaines de ces formes ne suivent pas la règle générale. Par exemple, « je viens » ne se dit pas « veno » mais « vengo ». V-E-N-G-O. Vengo. Vengo. En partant du je pour obtenir le il au pluriel, puisqu'il s'agit d'un verbe en ire, quel serait à votre avis l'équivalent de ils ne viennent pas? Non vengono. Très bien. Non vengono. Donc, pour venire, on a venite, vous venez, vengo, je viens, vengono. Ils ou elles viennent, et veniamo, nous venons. Maintenant, revenons à dovere. Comment diriez-vous « vous devez m'attendre » si vous voyez votre interlocuteur? Deve. Deve m'attendre. Deve aspettarmi. Oui, c'est ça. Deve aspettarmi. Vous devez m'attendre. Maintenant, imaginez que vous parlez à un ami et que vous dites « tu dois m'attendre ». Pour le « tu », quel que soit le verbe, il y a toujours un « i ». Par exemple, « tu pars » se dit « parti ». Parti, oui. Et donc, sur le même modèle, « tu dois » se dira « devi ». C'est ça, « devi ». Maintenant, mettez ce « devi » dans la phrase « tu dois m'attendre ». Devi aspettarmi. Devi aspettarmi. Oui, bien. Comment dites-vous « nous devons attendre » Dobbiamo. Dobbiamo, avec deux B, comme « abbiamo », nous avons. Maintenant, dites-moi « nous devons attendre ici ». Dobbiamo aspettare qui. Dobbiamo aspettare qui. Bien. Et je devrais le faire, devrais au futur. Dovrò farlo. Dovrò, c'est ça, oui. Au lieu de dovero, on a dovrò. Dovrò farlo. Et comment direz-vous « nous devrons le faire »? Dovremo farlo. Bien, très bien. Dovremo farlo. Vous vous êtes souvenu qu'en prononçant, il faut faire la distinction entre le futur et le conditionnel, qui sont très semblables mais pas identiques. Nous devrons le faire, dovremo farlo. Mais nous devrions le faire. Dovremmo farlo. Très bien. Dovremmo farlo. Avec deux M. Dovremmo farlo. Et puisque nous parlons du conditionnel, comment diriez-vous « vous devriez m'attendre » si vous, vous voyez votre interlocuteur? Dovrebbe aspettarmi. Tout à fait, oui. Dovrebbe aspettarmi. Là, vous m'avez dit « vous devrez m'attendre ». Le « vous » du vouvoiement. Ou alors « il devra m'attendre » avec un « il » au singulier. Oui. Comment diriez-vous maintenant « il devrait m'attendre » avec un « il » au pluriel? Pour le « il » au singulier, c'était « dovrebbe aspettarmi ». Donc le « il » pluriel, c'est « do » Dovrebbero aspettarmi. Dovrebbero aspettarmi, absolument. Donc « dovrebbe » c'est « il devrait » au singulier et « dovrebbero » c'est « il devrait » au pluriel. Comment diriez-vous « tu devrais me le dire » Dovresti dirmelo. Dovresti dirmelo, oui. Et « vous devriez me le dire » avec « voi » Dovreste dirmelo. Dovreste dirmelo, oui, voilà. On a donc « dovresti » avec un « i » à la fin pour le « tu »,« dovresti » et « dovreste » avec un « e » à la fin pour le « voi ». Et maintenant, comment diriez-vous « il devrait me le dire » avec un « il » pluriel ? Dovrebbero dirmelo. Dovrebbero dirmelo, bien. Imaginons maintenant que vous demandiez à un ami « pourrais-tu me le dire ?» Potrei dirmelo? Là, vous avez dit « pourrais-je » et non pas « pourrais-tu ». Ah oui, potresti dirmelo? Potresti dirmelo, c'est ça. Maintenant, si vous parlez à un groupe, à voi, comment direz-vous « pourriez-vous me le dire ?» Potreste dirmelo? Oui, bien. Potreste dirmelo? Et que donnerait « il ne pourrait pas me le dire » avec un « il » pluriel? Non potrebbero dirmelo. Voilà, très bien. Non potrebbero dirmelo.